problem. Come where they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey, we don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Everybody, everybody. Souvent je rêve que vienne le temps des moments doux comme la soie vers la lenteur et les sentiments au loin. Les jours et les combats, combien d'étés reste-t-il ici-bas? Face au temps, on n'a pas le choix. Combien d'amour reste-t-il à nos bras? Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problems come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey. We don't need to run, run, run, run. Can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, then we come. To breathe. Everybody's always in a hurry. Trouver là sur Fun Radio, merci d'être là en mode Happy Hour comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 17h-20h. Il y a toute l'équipe qui vous accompagne. Il y a Fab qui présent. Est là. Pourquoi est-ce que Fab est mort de rire? Parce que c'est cool. On se croirait dans les années 90. Qu'est-ce qu'à voir? Oh, les éléphants. Ah, c'est trop cool. Moi, je suis contente de retrouver les auditeurs. C'est cool, c'est la famille Fun Radio. Il y a Keke et Allison qui sont là aussi. Ça va les copains, vous êtes en forme? Ouais. Il y a aussi Sandro qui est là. C'est trop cool, des éléphants dans le ciel. Ça y est, ils ont pété une durite. C'est le début de l'émission et c'est déjà le bordel. Bon, j'espère que ça se passe bien, vous de l'autre côté de la radio. Vous avez passé une bonne journée. Et ben, on va la terminer en mode Fun Radio. Voilà, voilà, avec plein de cadeaux, avec l'iPhone 7. Ah, oh. Ah ouais, alors je vais récompenser les auditeurs qui sont là tôt, qui suivent l'émission dès le départ. Vous allez recevoir un indice bonus que les autres n'auront pas. Attention, petit indice du personnage qu'on cherche aujourd'hui pour essayer de repartir avec l'iPhone 7. Il a jamais connu ses parents parce que ses parents sont morts quand ils étaient jeunes. Ils lui ont juste laissé leur héritage. Oh là. Ouf. Ah. Alors, ça c'est pas un bonus, ça c'est une galère, ça, comme indice. Bah non. Attends, deux indices alors, parce que ça c'est pas facile. Vas-y, balance. Bah quoi, il va dans l'école, pour entrer dans son école, il doit se prendre un mur en pleine tronche. Pour quoi? Ah ouais. Ah, t'as trouvé? Vous avez trouvé? Un okay. Alcoolique. Bon, eh ben, si vous avez une idée de la réponse, vous êtes un peu favorisé. Merci d'être là si tôt sur Fun Radio. Vous envoyez maintenant iPhone par SMS au 6322 avec le personnage qu'on cherche. Si vous avez la bonne réponse, à vous l'iPhone 7, les copains, bonne chance. Fun Radio. Fun. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Dans quelques minutes sur Fun Radio, je vais vous prouver que Fab est un homme soumis. Et oui, j'ai du dossier à balancer à l'antenne dans quelques minutes. Mais t'inquiète pas, je t'expliquerai Fab. Ce sera juste après les infos de Carlo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. L'argent n'a pas d'odeur, aurait dit un jour l'empereur romain Vespasien. Ben, il n'a pas de morale non plus. Il paraît que l'Arabie Saoudite a acheté 60% des armes moellonnes vendues l'an dernier. pour un total de plus de 575 millions d'euros. Des armes qui servent à tuer des rebelles au Yémen, hein, puisque les Saoudiens sont directement impliqués dans la guerre civile qui sévit à côté de chez eux. Sans oublier que Riyad est quand même un petit peu soupçonné de financer le terrorisme et Daesh, pour ne pas le nommer au moins indirectement. Bref, cette information divulguée par Le Soir a notamment fait réagir sur Twitter Théo Franken, le secrétaire d'État NVA à l'asile et la migration, qui estime qu'étant donné que la FN de Herstal est une entreprise publique détenue à 100% par la région wallonne, ces chiffres rendent hypocrites les messages pacifistes du PS et du CDH. Notez que si les armes vendues à l'Arabie Saoudite étaient flamandes, ça lui poserait sans doute un petit peu moins de problèmes, hein. C'est-à-dire le problème principal avec ce type de produit, c'est qu'on risque de l'utiliser, qu'il s'agisse des Saoudiens ou non. Et puis le risque avec le TTIP, c'est qu'il risque d'être un jour ratifié. C'est en tout cas perçu comme un risque par de nombreuses personnes. Mais elles sont encore plus nombreuses à ne pas savoir ce que c'est. Seul un Belge sur trois a entendu parler du TTIP, surtout les plus de 55 ans. Bref, les jeunes sont une nouvelle fois à la traîne, hein, alors qu'ils sont plus concernés que les plus âgés, vu que c'est l'avenir qui est en jeu et que par définition, le leur est plus long. Bref, je répétais une nouvelle fois à leur intention ce que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, hein, et cette fois vous êtes prié d'écouter. Le TTIP, c'est un projet de traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. On va réduire les taxes douanières, faire tomber les barrières réglementaires, simplifier les modalités administratives, tout ça, bref, libéraliser un max le commerce entre nous et les USA. Tout bon pour notre économie, disent les uns. Que nenni, répondent les autres. Ça va surtout inonder notre marché d'encore plus de produits US qu'aujourd'hui aux dépens de nos producteurs. En plus, ça va menacer partout en Europe les normes sociales, environnementales, sanitaires et autres. Enfin, il y a ces fameux tribunaux chargés d'arbitrer les futurs conflits entre multinationales et États. Ces tribunaux privés sont déjà accusés de favoritisme à l'égard des entreprises. Bref, c'est pour dire tout le mal qu'ils pensent de ce TTIP que 10 000 personnes environ ont commencé à manifester à 17h dans les rues de Bruxelles. Donc si vous devez circuler dans la capitale, prenez les précautions d'usage si vous en avez encore le temps. Un petit mot de football enfin pour signaler que le Ballon d'Or européen sera dévoilé avant la fin de l'année, au lieu du mois de janvier prochain comme c'était le cas. Pendant tout le temps, la FIFA a été partenaire de France Football dans la désignation de meilleur joueur de l'année. Ce n'est plus le cas, d'où ce petit changement. Fun Radio. Chez Kiwit, épargnez aussi des points plus de l'aise. Cette semaine, 100 points plus en plus pour chaque plein de minimum 25 litres. Ça, c'est un bel avantage. Action sous condition. Côté son dance floor, c'est Dimitri Vegas et Like Mike qui arrivent. Il y aura aussi le duo le plus glamour de Fun Radio, Rihanna et Drake. On rappelle vite fait les indices pour essayer de repartir avec l'iPhone 7, Fab. Il a jamais connu ses parents parce que ses parents sont morts quand il était jeune. Ouais. Et quand il doit rentrer dans son école, et ben il doit se prendre un mur en pleine face. Alors, on cherche un personnage de film. Voilà, je vous rajoute un petit indice. C'est cadeau, c'est pour la maison. Vous avez une idée? Vous envoyez iPhone par SMS au 6322 avec le personnage qu'on cherche. On tire quelqu'un au sort, ce sera juste après Dimitri Vegas et Like Mike. Avant ça, on fait un petit point météo. Carlo, il va faire comment demain? Il fera comme aujourd'hui, sauf que ce sera demain. Voilà, prochain rendez-vous. Le gars, il fait plus la météo, je en fait. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Dimi. Ah non, il vient de se faire déplacer. Like Mike et Dimitri Vegas, salut. Fun Radio. Déposez votre boudin de porte démodé chez un de vos dealers Hermann pendant les portes ouvertes et recevez une réduction de 400 euros sur votre nouvelle porte d'entrée Hermann. Plus d'infos sur hermannavec2n.be. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. When the stars start to fall, will you love me, will you call? I need you close, don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun, we fought for love, we were on the run. Try my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Slept in there. all we know. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. J'espère que votre après-midi se passe bien là de l'autre côté de la radio. Merci d'être là, ça fait plaisir. Il y a toute l'équipe qui est là. Moi, c'est Audrey, il y a Fab. Présent. Kéké et Alison au standard. Oui. Sandro aussi. Hey. Toute l'équipe est là et on vous accompagne jusqu'à 20h. On est en direct, il est 17h07. On va savoir là dans quelques minutes si quelqu'un a trouvé le personnage qu'on cherche avec à la clé. Attention, l'iPhone 7 côté son dance floor. Il y aura du Rihanna avec Drake et puis le nouveau Maître Gims aussi dans le prochain quart d'heure. Alors, on rappelle vite fait les indices qu'on a filés là pour essayer de repartir avec l'iPhone 7. La chance. C'est quoi, même moi, je peux pas me le payer. Mais joue. Mais non, on peut pas ça gagner les cadeaux. Cher. C'est interdit par la loi de la radio. On ne peut pas jouer, nous. C'est ça quelle qui est tristesse. Dommage. Mais vous pouvez de l'autre côté de la radio. Alors, on rappelle les indices. Bon, il a jamais connu ses parents parce qu'ils sont morts quand il était hyper jeune. Il a juste chopé l'héritage. Et quand il va dans son école, pour rentrer dans l'école, il doit se prendre un mur en pleine tronche. D'accord. C'est quand même sympa. Hein. Normal. Bon, on a Céline. Céline qui a été sélectionnée, qui vient de Mons, qui va nous donner sa réponse. Bonjour Céline. Bonjour, bonjour. Ça bonjour. Va bien? Ça va bien et vous tous, c'est la pierre. Ah bon, ça roule, ça nickel. Roule. Céline, t'es pas trop stressée? Non, ça va, je pense que j'ai la réponse, donc ça devrait aller. Eh ben écoute, eh ben, on sait jamais, peut-être que c'est le cas, Céline, bah, à ton avis. Départ, il faut, faut bien remplacer l'iPhone 5S, c'est bien vieux là. Hein. Ah, tu m'étonnes. T'as raison. Ah, ça ferait plaisir de passer à l'iPhone 7, hein, ça va changer ta life, ça c'est clair. Céline, ah ouais, à ton avis, quel est le personnage qu'on cherche aujourd'hui sur Fun Radio? Vu le premier indice, moi j'aurais dit Batman. Batman, pourquoi le premier indice, c'était quoi? C'était... Les parents sont morts, ils ont laissé l'héritage. Et c'est ça dans Batman? Dans Batman, ouais. C'est ça, ouais. Mais attends, Batman il va pas à l'école? Ah ben non, Batman il va pas à l'école. Oh non, Céline, c'est pas Batman. Bah. Je suis désolée, ce n'est pas Batman. T'as pas entendu le deuxième indice? Ah ben j'ai pas dû... Non, c'est pas grave, Céline. C'est genre, elle cherche un truc pour essayer de se justifier, mais c'est pas grave, ma Céline. Mais prends bien soin de ton iPhone 5S quand même. Oh non, allez, quoi. Bon, et tu sais quoi, ma Céline, tu retentes ta chance. Mais écoute bien tous les indices, parce que du coup, avec juste le premier, ça va pas. Je te fais des gros gros bisous, Céline. Ouais. Merci. Oh là là, toute déçue. Non mais écoutez bien les deux indices. On vous en a donné deux et vous savez quoi? On va vous en donner un autre en plus. Voilà, oh, comme ça. Allez, vas-y, rebalance les deux premiers. Bah alors, il a jamais connu ses parents parce que ses parents sont morts. Ouais. Quand il va à l'école, il doit se prendre un mur en pleine tronche. Et le mec, il manie super bien le balai alors qu'il est pas femme de ménage. Allez quoi, ça c'est facile. facile. Mais même moi, je suis une clète en indice et j'ai trouvé quoi. Clète en indice. Ouais, c'est l'expression de Wallonie. Ça va, bienvenue en Wallonie, monsieur. Vous avez une idée du personnage qu'on cherche? C'est un personnage dans un film, on l'a tous regardé. Allez-y, vous envoyez maintenant iPhone par SMS au 6322 avec la bonne réponse et à vous l'iPhone 7. On se fait ça juste après Rihanna et Drake sur Fun. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night I think I lost my patience last night.

Radio, la suite du son, c'est avec Alex Germis que ça se passe. Il y aura aussi le nouveau Maître Gims. Je l'écoute en boucle, tout donné. C'est ce qui arrive sur Fun Radio. Moi perso, je le kiffe. Dans l'équipe, ça dit quoi, Maître Gims, le nouveau? Bah, j'aime bien, mais les paroles. En fait, je trouve que le rap aujourd'hui, les paroles, c'est plus ça, quoi. Garde-le là, il parle comme un vieux grand-père. Tu rappelles ton âge aux auditeurs qui écoutent l'émission? J'ai 35 ans. Ouais, c'est ça, dis la vérité maintenant. Non, j'ai 21 ans. 21 ans, le gars, il parle comme un vieux. Non, mais tu comprends, je trouve que les paroles, c'est middle, quoi. Voilà. Écoutez sincèrement les paroles de Maître Gims qui va arriver. Oh, c'est bien, c'est cool, la musique elle est bien. Le beat est bon. Voilà, le beat bon qu'il y a maintenant. D'ailleurs, attends, ça fait penser à un truc, toi Fab, j'avais oublié que je devais balancer un dossier à l'antenne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu dois faire encore? Si, faut que j'explique qu'est-ce un truc aux auditeurs. Ah là là là, pour tous les auditeurs qui écoutent l'émission. Ah, c'est une grosse lose, hein, parce que vous savez, Fab fait quand même le malin, hein. Vous connaissez l'émission maintenant, ça va faire presque 2 ans. Non, 1 an et demi, mais bon, presque. Donc Fab est quelqu'un de, comment dire, de macho. Fab, moi, se la pète tout le temps avec les femmes, il donne l'impression que c'est lui qui commande. Mais non. Si, n'essaye pas de mentir aux auditeurs. Moi, j'ai fait ça, moi. Les auditeurs te connaissent très bien et l'équipe aussi. Sauf que. J'ai appris un truc sur Fab. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est complètement dominé, le mec, en fait. Je te dirai plus rien, je ne te parlerai plus jamais. Je ne te dirai rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, faut savoir que Fab, il a acheté une paire de baskets. Alors, c'est quoi tes baskets? Parce que j'y connais rien. C'est des Nike. Ah, non c'est, ouais, c'est des AirTech Challenge. C'est des baskets d'Agassi. Il jouait avec ça en 97. Ouais, c'est des Nike. Quoi. Donc, personne connaît, c'est des baskets. Mais bon, c'est des baskets qui font jeans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh yeah. Ah bah, du coup, sa copine, elle veut plus. Elle fait maintenant, t'arrêtes de t'habiller comme un ado. T'es plus âgé, faut que tu commences à t'habiller comme. J'étais sous le choc quand elle m'a dit ça. Ouais. Elle m'a dit, fini, t'as pas 14 ans, arrête de t'habiller comme un rappeur américain. Tu ressembles à rien, habille-toi comme un adulte. Mets des chaussures et mets des pantalons rouges. Bah c'est ouais, ça, gros. Bah, sauf que Fab, c'est un wesh-wesh, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas l'habiller en mode bobo avec. L'autre fois, je vous jure, il est venu avec un pantalon rouge avec un polo, quoi. C'est genre pas crédible. Tu veux pas expliquer ça, mon amoureuse? Non. Moi, je mets des t-shirts Batman et des baskets. Tout ce que j'ai vu, Fab, tout ce que j'ai remarqué, c'est que t'avais la trouille de rentrer chez toi avec tes baskets, mec. T'es un petit zizi. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je les ai mis dans mon gilet, en fait. Je tenais mon gilet. J'ai planqué la boîte et je me dis, je vais vite aller les mettre dans l'armoire. Mais en rentrant, je pose mon sac et la boîte est tombée. Mais allez, quoi, tu qu'est-ce que c'est? Fab, ta virilité, ton côté masculin, ton côté dominance, tu peux pas faire ça. Et si on appelait sa copine un peu pour voir? Ouais, t'as dit, c'est une bonne idée, toi. C'est vrai, on l'appellerait bien et on va lui demander c'est quoi son fucking problème avec tes baskets. Elle aime pas, elle dit que ça fait gamin. Mais c'est quoi son... Non, c'est toi, Fab, elle peut pas te changer, vous êtes d'accord? Vous êtes côté de la radio. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans l'équipe de changer un truc chez vous parce que votre copain ou votre copine ça lui plaisait pas? Sandro, toi t'as dû faire ça, toi je le sens. Je le vois. C'était pas les chaussures, mais c'était à peu près, c'était les fringues. Les fringues? Ouais, et elle t'a fait changer de look? Un tout petit peu, j'ai Et de sexe aussi, non? Pour être avec elle. Je voulais pas le raconter. Le kéké du standard, toi aussi t'as déjà fait ça ou pas? Ouais, moi c'est le contraire. Moi, ma copine a vraiment kiffé que je remette des Nike Air Max. Ah bah voilà, déjà un truc de meuf. Eh ben, tu prêtes ta meuf à Fab, comme ça c'est réglé. Alison du standard aussi, toi t'as déjà fait ça ou Moi je me suis jamais laissé faire, j'ai plaqué. Mais voilà, mais c'est ça, mais c'est comme ça que ça doit aller. Bah, ça j'sais fait pas, combien moi... de temps que t'es célibataire, toi? Ah bah justement. C'était ça le problème, en fait. Quand j'ai rien. Non, mais attends, moi je suis d'accord avec Alison, il faut trouver quelqu'un. Mais qui t'accepte comme t'es. Parce qu'alors ça va pas, ça, si elle commence à te changer. Mais un tout couple, le temps, c'est des compromis aussi, tu dois faire attention, tu vois. Oui, mais pour attends, c'est quand même la base. Hein. Si déjà même pas ton look ça lui plaît, alors le reste, laisse tomber, quoi. Et toi, Audrey, t'as dû changer quelque chose? Non, parce que moi j'ai un caractère de merde. Moi, tu me dis de changer un truc, je change le mec. Voilà, comme ça c'est réglé. Est-ce que vous, de l'autre côté de la radio, vous avez déjà fait ça? Je sais pas. Vous avez dû changer un truc chez vous, vous avez fait des compromis, vraiment le truc que votre mec ou votre meuf peut pas supporter. C'était quoi le truc que vous avez changé? 30-44 pour vos messages. Comme ça, au moins, on va te montrer, Fab, que t'es pas le seul à être sous. D'accord. On va lire tous vos messages, c'est promis. Ce sera juste après le son d'Alex Germis qui débarque. Et puis, ah, ça c'est bon. Écoutez les paroles, s'il vous plaît. Écoutez c'est une les paroles. Je kiffe le nouveau Maître Gims avec Tout Donné sur Fun Radio. Ça arrive dans moins de 5 minutes. Bougez pas. Accrochez-vous. Oui, dans la radio. Salut, c'est Bruno. On fait l'appel. Christina présente Karina.

Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup plus. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné. Tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Hey, yeah. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. C'était le nouveau Maître Gims sur Fun Radio. Tout donné, on enchaîne avec le son de Lost Frequencies, Beautiful Life. Il y aura aussi Pitbull dans un instant avec Florida. Et puis je vous ai collé un petit de Parakeet. Collé ? Ouais, franchement. Collé, sérieux ? Collé la petite. La meuf qui invente des mots qui veulent rien dire, quoi. Tu sens que c'est le début de la semaine, hein ? Vous êtes pas en galère un peu, moi, je sais pas, le mardi. Non. Alors le lundi, c'est toujours nickel. Et après, je sais pas pourquoi il y a une baisse de régime le moi, mardi. J'ai du mal à articuler. Ouais. Et articuler, moi j'articule mal. Ouais. Je sais pas pourquoi. Y a pas qu'avec ça que t'as du mal. T'as du mal avec ta meuf, Fab. Ouais. Merci je rappelle, de me le rappeler. Ouais, ben je rappelle vite fait aux auditeurs qui viennent peut-être de se brancher. Je voudrais pas qu'ils loupent ça quand même. Fab, Fab le petit soumis de la bande. Fab qui est soumis. Oh là là, par soumis. Sa femme. Et oh paraîtrait-il que j'ai trop de paires de baskets à la maison. Et j'essaie de lui dire, on n'a jamais trop ça, de paires de baskets. Elle a quand même un peu raison. On rappelle vite fait combien t'as de paires de baskets, vieux. Une soixantaine, mais c'est t'imagines, pas... mais même moi j'ai que 3 paires de chaussures, il en a 60. Ah oui, quand même. Comment c'est possible un truc pareil? En plus de ça, maintenant sa copine veut plus qu'il porte des baskets parce que ça fait trop de jeunes. Ouais, il paraît mieux. Que je deviens vieux, il paraît. Alors j'ai même pas 40 ans quoi. Mais il faut que t'arrêtes, c'est vrai, de t'habiller comme un wesh-wesh quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, c'est pas crédible mais quoi, toi aussi, tu t'y mets. De m'habiller en wesh-wesh? Non, de me dire que je dois pas m'habiller en wesh-wesh. Alors, bah, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose quoi, tu vois. Non, mais Fab, c'est un ado refoulé, tu vois, c'est un ado qui a jamais fait sa crise et là, maintenant seulement, à quel âge? 38 ans. Il fait 37. Bon, oh, bientôt 38. Tu te rapproches quand même dangereusement des 40 ans. Mais il y a pas que Julie qui fait des trucs comme ça, ta copine, qui t'empêche de faire des choses. Apparemment, Alissa qui vient de Charleroi, elle aussi, elle a empêché son mec de faire un truc. Salut Alissa, ça va bien? Oui, bonjour, ça va. Tu nous dis hein, si on te dérange, Alissa. Qu'est-ce que tu es en train de faire en même non, temps non. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais on est en groupe. Ah, qu'est-ce que ça fait rien. Je suis sur un banc avec des amis. Ah ouais, comme ça. Oh, c'était cool ça quand on faisait ça quand on était ados. Oh ouais, traîner comme ouais, ça. Ouais, mais moi je ne suis plus ado. Bah, c'est pas grave, ça marche quand même. Alissa, tu fais ce que tu veux. Et du coup, je me demande ce que tu fais sur un banc. Alissa, qu'est-ce que t'as. Comment dire? Interdit à ton mec. Comment, qu'est-ce que tu lui as dit? De mettre des tongs. Pourquoi? Parce qu'il a des orteils de la taille de doigt. C'est... Ah, ah oui. Non. Ton mec, il a des pieds de hobbit. Non, il a... Mais non, même pas un pied de hobbit. Hein. C'est... Non, c'est pas mieux. Des pieds d'orang-outan, j'aurais pu prendre des trucs avec ses mains. Ah. Avec ses pieds. Non, c'est pas possible. Et Alissa, t'as quand même réussi à tomber amoureuse malgré les pieds. Bah, elle avait pas vu ses pieds. Oui, voilà. Mais bon, quand le soir, il me les met en pleine tronche, non. Ah. Ça me passe pas. Mais pourquoi il fait bonjour, ça, chérie? Mais parce qu'il sait bien que j'ai peur. Ah, t'as peur carrément? carrément. Ah ouais. J'ai peur, j'ai la phobie des pieds. Mais enfin. Attends, c'est énorme. T'imagines, la fille, si elle veut pas faire la vaisselle, va faire la vaisselle, sinon je te sors mes orteils. Wow. Je suis en train de vous écouter en plus. Ah, énorme. Comment il s'appelle ton chéri, Alissa? Ah, mon chéri, bah c'est Quentin. Quentin. Quentin, cache tes pieds, vieux. Mets des bottes. Mais ça, et sérieusement, les pieds, ça, moi aussi, ça peut aussi me refroidir. Hein. Ça peut me rebuter, moi. Non, c'est pas beau, un pied. Non, et c'est surtout, moi, une fois, c'est vrai, j'avais rencontré un mec sur la plage. Tu vois? Ouais. Sauf que, en fait, le type, il cachait tout le temps ses orteils dans le sable. D'accord. Et j'avais pas vraiment fait le rapprochement, je m'en foutais un peu, tu fais pas gaffe. Et en fait, quand on est arrivé sur la terrasse du truc pour boire un verre, il a sorti ses orteils du sable. Et franchement, les gars, j'ai jamais vu des orteils aussi moches de toute ma vie. Des petits boudins. C'était des boudins. C'était vraiment mais super moche. Alors, Alissa, je comprends tout à fait ce que tu vis, ma belle. Courage, ça va aller. On te fait des gros bisous, Alissa. Tu reviens gros quand tu veux. Et bonne glande, alors. Hein. Bah oui, merci. Bah, je profite. T'as raison, Alissa, je te fais des bisous. Il y a Véronique qui nous dit aussi au 3044, mon copain, lui, il est ultra jaloux. Du coup, il surveille tous mes messages ainsi que mon Facebook. Ouais, c'est pas bon ça. Ah, mais ouais, on l'a tous fait. Faut arrêter de faire genre. Non, moi, ouais, jamais. Mais ça va, si. Hein. Nicolas qui me dit, ma copine m'empêche d'aller sur les sites de cul. Bah, c'est normal, hein, brouillard. Bah, et qu'est-ce qu'il a, celui-là? Pourquoi c'est normal? Regarde, si sa première copine, il comprend pas. Il y a Delphine qui me dit, moi, depuis que je suis en couple, je ne sors plus en soirée sans lui. Bah oui, bah, c'est normal aussi, ça, Delphine. Sylvie, mon copain, déteste mes copines. Donc, elles ne viennent jamais à la maison quand il est là. Oh, ça, c'est moins cool. Bon, et vous, vous avez aussi arrêté de faire un truc à cause de votre copain ou votre copine? 3044 pour vos messages. Et là, on se fait Lost Frequencies. Partez vous éclater au concert des 21 Pilots en Finlande grâce à Fun Radio. Écoutez Fun Radio non-stop tout le week-end. Dès que vous entendez 21 Pilots, soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322. Un euro message pour gagner l'album Blurry Face. Et peut-être votre voyage à deux avec transport et hôtel pour vous éclater au live des 21 Pilots le 25 octobre en Finlande. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Mais s'il vous plaît, pas de GSM au volant. Laissez-le dans la boîte à gants. Un message des parents d'enfants victimes de la route. Comme nous. Comment bien manger quand... On veut profiter à fond de l'automne. Oh, j'espère que t'aimes les pommes parce que je sens que ça va être pour la tienne. Pas forcément. L'automne, c'est aussi le mois des poires chez Deleuze. Savourez nos durons d'eau, doyennés du Comice, conférences et conférences bio. Mmh. Et leur prix? Un prix à tomber dans les pommes. Ou dans les poires. Jusqu'au 28 septembre, chez Deleuze, le second ravier est à moitié prix. Profitez-en vite. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. L'Happy Hour sur Fun Radio. Du lundi au vendredi, 17h-20h. La seule émission qui te donne envie de rire, même s'il ne te reste qu'une seule dent en bouche. Anywhere you want to go, I follow. Mountain high and river low, I follow. Beautiful, beautiful love. bien là sur Fun Radio. Hein. On termine l'après-midi ensemble en mode Happy Hour avec toute l'équipe qui est là. Ils sont de Pitbull avec Farida qui arrive. Il y aura aussi de Parakeet aussi. Grosse nouveauté hein, que vous avez découvert ici sur Fun Radio. Avant ça, attention, on va retirer quelqu'un au sort. Ah! Il va repartir avec son iPhone 7, c'est le cadeau qu'on vous offre toute cette semaine sur Fun Radio, c'est énorme. On en a plein, voilà, on va vous enfiler un maximum. On va essayer de faire plaisir à un maximum d'auditeurs qui écoutent l'émission, ça c'est promis. On cherche un personnage aujourd'hui, un personnage de cinéma. Alors on rappelle les indices vite fait. Ses parents sont morts. Ouais. Quand il doit être dans son école, il se prend un mur en plein tronche pour rentrer. Il a toujours un balai. Dans le cul ou pas? Non. Il faut vérifier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? J'ai dit que c'était... Bon, non, on dit pas plus, après tout, il fallait écouter. On a Nathan qui est là, qui vient de Bruxelles, qui va tenter sa chance. Bonjour mon Nathan, comment ça va? Salut, salut à tous, vous allez bien? Eh ben oui, pourquoi tu parles comme un vieux DJ? Bonjour. Le gars, on dirait qu'il est en train de faire une animation. Salut, salut. Salut, salut. On te taquine mon Nathan, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va et vous? Ah bah écoute, ça va Nathan, t'as la pression. Tous les auditeurs qui t'écoutent là, de l'autre côté de la radio, qui se disent, connard, bah, il a été sélectionné choisi, et ouais. Pas moi, c'est bah, dégoûtant ouais. Alors on cherche bah, bon. Un personnage de cinéma. Si tu arrives, ouais. Nathan, à me filer la bonne réponse, franchement, l'iPhone 7, il est pour toi. Faut pas déconner. Nathan, à ton ouais. avis, c'est qui? Alors moi, il me semble que c'est Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man. Et à quel moment t'as l'impression que Spider-Man, eh ben, il se prend un mur pour aller à l'école Nathan. Bah, il me semble que dans le premier film, non? Mais non, Nathan, mais non. Tu racontes Nawak, sérieux, c'est pas bon, c'est perdu, Nathan, je suis désolée. Il se prend juste un râteau, c'est tout. Les copains, j'ai l'impression, sérieux, pourtant, on donne tout et on donne des indices quand même assez faciles, mais j'ai l'impression que vous écoutez Nawak à l'émission, en fait. Hein. C'est ça, quoi. Genre, moi j'en ai un. Vas-y, alors, on donne un indice supplémentaire, puisque Nathan n'y est pas arrivé. Et bah, si avec ça, sérieusement, vous n'y arrivez pas. Bah on peut plus rien faire pour vous. Autant donner la réponse quoi, globalement là c'est plus possible. Allez sérieusement, un garçon qui va dans une école de magie pour y aller doit se prendre un mur en pleine face. Et alors je donne un indice en plus. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il a une cicatrice sur le front. Oui. Un Z. Comme Zorro. Comme Zorro. Ne me mette le premier qui m'envoie Zorro, je vous jure je lui fais du mal. Hein. Ce n'est pas Zorro, hein, on est d'accord. Bon, si vous avez une idée de la réponse. C'est à vous de jouer. C'est la dernière chance de pouvoir s'inscrire. Après, trop tard. Je suis sûre que de toute façon, là, on va avoir une bonne réponse. C'est pas possible autrement. Vous envoyez maintenant iPhone par SMS au 6322 avec bah, le personnage qu'on cherche. Et à vous, l'iPhone 7 qui coûte une blinde. La vache. Ça. Comment vous dire? Ça fait un trou dans le portefeuille. Et nous, chez Fun Radio, bah, on vous le file. iPhone par SMS au 6322. Bonne chance, tout le monde. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. And step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. She ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash. crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, arena Venus. Glow a genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out. Take a shot, red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Sur Fun Radio, la suite du son, c'est avec De Parakeet que ça se passe, Save Me. Il y aura aussi Kungs et puis Mister Vegas, on va se faire un petit souvenir, ce sera dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Et puis on parlait du cas de Fab, le pauvre petit Fab qui est soumis, qui n'est, comment dire, pas un homme viril en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais arrêtez de dire ça, c'est ce que vous voulez en plus, vous les meufs, que les mecs ils vous suivent. Soumis. Ah non, ça c'est pas vrai. Pardon? Non, non, non, non, non, non, alors ça je suis pas d'accord. Alors peut-être que les auditrices qui écoutent l'émission elles le seront, mais j'ai l'impression moi que quand un mec est trop à tes pieds, ça saoule. Mais c'est pas une question d'être à tes pieds, trop mais. À ses pieds, attends, mais y a aucune virilité. Elle te dit fais pas ça, tu le fais pas, enfin tu t'écoutes tout ce qu'elle dit quoi. Ok, et si je dis ok, ouais, non, je garde mes pantalons et mes baskets, ben, et qu'elle me dit ok, salut, mais et moi je suis tout seul, je suis perdant. Parfois c'est bien d'aller au frontal, tu vois, d'avoir ta personnalité et de pas te laisser faire par ta meuf. Parce que je rappelle quand même que Fab ne met plus de baskets parce que sa copine trouve que ça fait ado quoi. Non, de temps en temps je mets des chaussures. Pas pareil. Non mais ça va pas, c'est pas toi Fab. Non mais fais gaffe parce que moi j'ai déjà eu le coup avec elle m'a dit ouais faut que tu changes machin. Du coup j'ai tout changé et puis elle m'a reproché après. Ouais mais en fait t'as complètement changé mais ça, tout alors ça. C'est vrai. Mais espèce de. Non voilà. Non calme-toi. Mais ça c'est vrai que c'est un concept purement féminin. Je sais pas pourquoi on fait ça. Je ne sais pas. Je ne me demande pas. Je ne sais pas pourquoi. On a reçu des petits messages au 3044. On me dit moi je travaille dans les jeux de café donc souvent je suis seule au travail. C'est Eric qui nous dit ça. Oh, on te fait des gros bisous Eric. Bah reste bien branché sur Fun Radio. On va t'accompagner. On me dit mon ex m'interdisait voir mes potes depuis je suis seule. C'est Jonathan de Liège qui nous dit ça. Mon métier fait que je suis souvent sans elle. Bah du coup tu dois être tranquille, te plains pas. Bonjour ma copine, elle m'interdisait blindé de trucs, sérieusement appelez-moi, je vais vous en parler. Bah tu sais quoi, on va t'appeler dans quelques minutes. Avant ça on a Marie qui vient de Liège. Salut Marie, comment ça va? Bien. Bonjour. T'as pas l'accent, c'est pas drôle. Si j'ai l'accent. Ah mais voilà. Si j'ai l'accent. Je me disais aussi, c'est pas comique hein, c'est là-bas. Dis Marie, tu passes une bonne journée toi? Ouais super. Ah bah j'adore. Il y a pas de foot aujourd'hui alors super. Ah ouais. Non mais ça faut arrêter avec le football les gars, vous êtes chiants. Bah sans avoir gagné. Oh pas tout le temps quoi, de temps en temps, mais arrêtez un peu avec le ballon là, oh là là. Marie, toi, est-ce que t'as déjà interdit un truc à ton mec ou à l'inverse ton mec t'as déjà interdit un truc? Bah interdit, c'est pas vraiment interdit mais. Tu as suggéré. Moi, en fait, moi, il faut savoir qu'on mange foot, on boit foot, on dort foot. Oh là là. Jusqu'au match de la 4e provinciale régionale, ce serait même des dauphins, des pingouins qui joueraient. Je crois encore qu'il faudrait qu'on le regarde à la télé. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, ça commence à bien faire, malgré que je dis, j'adore le foot, mais trop, c'est trop. Ouais. Et du coup, quoi, oui. Tu lui interdis de regarder? Bah, j'interdis pas de regarder, mais dès qu'il s'assoupit un peu ou quoi, je change, ou alors j'essaie de trouver des stratagèmes pour faire autre chose. Parce que... Non, hey, Marie, tu sais ce que tu fais? Tu chopes la télécommande. Hein. Le premier qui l'a, non, c'est bon, il est tranquille. Ah, bah ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu comme, tu vois, t'es à Koh Lanta, c'est ton énigme, c'est ton truc à réaliser. Tu chopes la télécommande, oui, Marie, après t'es tranquille. Limité. Mais ouais, c'est ça. Acheter deux télés aussi, non? Ah non. Ah, mais non, ça c'est un truc. Mais non, ça c'est pas ça. Alors ça, on fait les autistes et on ne voit plus. Bah oui, mais c'est voilà. Ça. Tu trouves un compromis, toi. Un jour vous football, voyez à la mi-temps. Un jour Secret Story. Mais non, allez, quoi. Quoi, 15 minutes, c'est bien, faites la petite affaire, pop-up, oh, et puis c'est réglé. Pour toi, regarde dans le match. C'est que ça, quoi, faire quoi sa petite affaire. Zéro, mais non. Bah si, c'est ce que tu viens de dire. C'est du partage et des concessions en couple. Oh, c'est beau. Ça me semble tellement pas de parler comme ça, sérieux, t'es qu'une imposture, en fait. Non, mais je sais pas si elle écoute ou pas. Marie, franchement, moi, je comprends ce que tu vis. Courage, Marie. Merci. Ça va aller, t'inquiète pas. Si t'as besoin d'aide à un moment donné, tu nous appelles, on débarque dans le salon, on fout le bordel, hein, d'accord? Promis. Bon, mais toi, tu vas te voir à Charleroi pour toi. Hein. Eh ben, c'est pas grave, tu sais, nous, les Liégeois, les Carolos, on s'entend, hein, on s'arrange. Ah, mais moi, Marie. Je suis pas assez comme de reste, moi, non. Ah, oui, si tu fous le bordel aussi. Avec Vince.

À l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bellisol avant le 2 octobre. Bellisol. Plus d'infos sur bellisol.be. Bienvenue sur Fun Radio. Si vous êtes vous branchés, il y aura le son de Kungs dans un instant. On va faire le tirage au sort aussi avec à la clé l'iPhone 7. Tout ça, c'est ce qui arrive après les infos de Carlo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. La trêve instaurée le 12 septembre en Syrie devait durer une semaine. Bah, ça a été plus ou moins le cas. Mais alors pas un jour de plus, hein. Même qu'hier, des raids intensifs ont été menés par l'armée de Bachar al-Assad et ses alliés russes contre la ville martyre d'Alep, dont certains quartiers sont toujours aux mains des rebelles. Des raids qui auraient fait 36 morts au sein de la population, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et les frappes aériennes russes à l'ouest d'Alep ont tué 12 travailleurs humanitaires et chauffeurs de camions, ce qui a plutôt énervé les États-Unis. Ces derniers ont mis la Russie en garde après ces frappes qui, disent-ils, risquent de réduire à néant tous les efforts de paix qui ont eu lieu pour régler cet interminable conflit. C'est vrai que c'est assez décourageant, hein, mais ça n'empêchera pas le président français François Hollande de lancer un nouvel appel à une trêve en Syrie aujourd'hui même à la tribune de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies qui se tient depuis hier. Ça chauffe toujours autant en Syrie et puis ça se met à chauffer également très fort au Congo, plus précisément dans la République démocratique du Congo, capitale Kinshasa, ne pas confondre avec sa voisine, capitale Brazzaville. Mais à Kinshasa, justement, une manif pour exiger le départ du président Kabila à la fin de l'année, donc à la fin de son mandat, en fait, a très mal tourné hier. La police et la garde républicaine n'ont pas hésité à tirer dans la foule. On parle de plusieurs dizaines de morts, hein, quand même. Des violences qui se poursuivent, puisque la nuit dernière, les sièges de deux partis d'opposition ont été incendiés et un troisième ce matin, celui de l'UDPS qui est le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Une journaliste de l'AFP a vu deux corps carbonisés et deux autres personnes brûlées vives. Rappelons que les élections présidentielles qui doivent se dérouler dans ce pays sont constamment reportées. Là, elles viennent de l'être à nouveau à l'année prochaine. Le chef de l'État s'accroche au pouvoir et visiblement n'hésite pas à faire couler le sang pour s'y maintenir. Il y a encore des révélations de la part des hackers russes qui ont à cœur de nous faire savoir quels sportifs ont pu faire usage d'un produit interdit à des fins thérapeutiques. Ils ont piraté en fait le site de l'Agence mondiale antidopage. C'est bien qu'on a appris que les sœurs Williams en tennis figuraient dans cette liste, de même que les anciens vainqueurs du Tour de France cycliste Brad Wiggins et Chris Froome. Et dans la nouvelle liste de 26 noms figure notamment l'athlète britannique Mo Farah, champion olympique du 5 et du 10 000 mètres à Londres et à Rio, ainsi que l'ancien numéro 1 mondial de tennis Rafael Nadal. Alors bon, si ces gens ont pu se doper pendant X semaines ou X mois, c'est donc avec la bénédiction des autorités et pour des raisons sans doute très valables, mais ça va pas aider des gens comme Froome ou Nadal à lutter contre les rumeurs persistantes qui circulent à leur égard. À noter enfin que si les hackers russes font ces révélations, c'est un petit peu pour se venger du fait que plus d'une centaine d'athlètes russes ont été exclus des Jeux de Rio après des révélations sur un système de dopage généralisé dans leur pays. Fun Radio. Chez Kiwit, épargnez aussi des points plus de l'aise. Cette semaine, 100 points plus en plus pour chaque plein de minimum 25 litres. Ça, c'est un bel avantage. Action sous condition. Et c'est le son de Kungs qui arrive côté son Explore sur Fun Radio juste après. Attention, on va tirer quelqu'un au sort qui va peut-être repartir avec son iPhone 7. On cherche un personnage d'un film fantastique. On rappelle vite les indices. Ouais, c'est facile, il a plus de parents. Il doit passer dans un mur quand il va à l'école. Il a un Z sur le front. Il a un balai en main et c'est pas une femme de ménage. Bon, à votre avis, c'est qui? Vous avez une idée de la réponse, c'est à vous de jouer. Vous envoyez maintenant iPhone par SMS au 6322 avec la bonne réponse. On aura des infos people aussi concernant Angelina Jolie et Brad Pitt. Vous allez voir, ça va vous faire tout bizarre. On en parlera juste après la météo. Carlo, il va faire comment demain? Ouais, il va faire plutôt pas mal. Ouais, bah c'est plutôt cool alors. Voilà. Pourquoi tu te meurs, toi? J'aime bien comment tu dis. Bon, plutôt pas mal. Ouais, sympa, bon. Mais il faut quand même savoir que c'est la semaine internationale de la météo approximative. Ah ouais? Ah, bah voilà, ceci explique cela. Mais t'es le président. Voilà. Allez, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec Audrey et le son de Kungs. Salut. Fun Radio. Déposez votre boudin de porte démodé chez un de vos dealers Heurman pendant les portes ouvertes et recevez une réduction de 400 euros sur votre nouvelle porte d'entrée Heurman. Plus d'infos sur heurman.be. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. I'm gonna wreck your back. Take it now. Sur Fun Radio avec Galantis, Nobody. Il y aura aussi du Mister Vegas avant, c'est cool ça. On va se faire un petit souvenir. Mais avant ça, faut qu'on vous parle d'un truc, les copains, c'est ouf, sérieux. Fun Radio, alerte info. Mais ouais, franchement, ça mérite même un jingle spécial, quoi. Toute la rédaction est là pour non, vous. Non, mais attends, je n'en reviens pas. Fab m'a balancé un truc concernant Angelina Jolie et Brad Pitt. Qu'est-ce qui se passe? Ils se séparent. Non. Non. Si. Ah non non non non non. Ah non, mais non. Ah non, c'est pas possible. Angelina moins jolie et Brad Pitt toujours aussi beau quoi. En fait, ils se séparent après 12 ans de vie commune, 2 ans de mariage. Brad a dit ou non, c'est Angelina qui a demandé le divorce parce que elle n'aime pas la manière de Brad d'éduquer ses enfants. Ça c'est une version. Deuxième version. Ça c'est pas la bonne version. Elle a engagé un détective privé qui l'a suivi sur le tournage de son dernier film. Qui a suivi qui ? Brad. Ouais. Et apparemment, il la tromperait avec Marion Cotillard. Mais non. Elle est avec l'autre. Oh, attends, elle est avec qui, Marion Cotillard ? Avec Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet. Mais c'est pas pour ça qu'elle est fidèle. Si je peux me permettre, quand même, Guillaume Canet est vachement plus canon que Brad Pitt. Hein. Tu trouves ? Oh, c'est une vanne, Brad Pitt, c'est un cliché, quoi. Mais arrête, en plus, elle a les yeux bleus. Et je dis ce que je veux, ça va. C'est vrai qu'elle a du charme. Excusez-moi, mais déjà, qui se tape Marion Cotillard, s'il vous plaît, quoi ? Eh ben. Ah oui, c'est vrai. Ah non, ah, je suis pas d'accord. Bah, c'est une belle femme, je suis désolé, Marion Cotillard. Vanessa Paradis. Non, elle est belle. Son grand écart entre les dents, enfin, ça vous choque pas. Ah non, ça s'appelle les dents du bonheur, monsieur. Un peu de respect pour ça. On a Dosti qui vient de Framery. Au moins, ça c'est quelqu'un de neutre qui va donner son avis. Bonjour Dosti. Bonjour. Alors, c'est quoi, j'étais en suspense jusque là pour savoir si c'était une fille ou un mec. J'ai jamais entendu un prénom. Non, je suis un mec. Oui, je te crois, tu sais Dosti, mais c'est original comme prénom, j'avais jamais entendu ça avant. Bon, Dosti, ça te fait quoi de savoir que Brad Pitt et Angelina Jolie, c'est fini? Ouais, écoutez, je pense qu'avec tout l'argent qu'ils ont et tout, ça leur posera pas de problème, quoi. Bah juste pour les enfants, mais pour le reste, c'est des people, ils sont connus, donc il y aura pas de soucis ni pour l'un ni pour l'autre, je trouve. L'argent ne fait pas le bonheur, tu vois. Leurs enfants, ils vont rester. Ah bah ouais, bah voilà. Bah tu voilà. Vois, ils vont se partager les enfants, ils vont se battre pour garder et les en enfants plus, parce que j'ai vu, elle a demandé la garde tout le temps, quoi. Ouais, parce qu'apparemment, c'est elle qui aurait acheté les 6 gosses. Comment ça qu'elle aurait acheté ? Ouais, comment tu parles ? Ben c'est pas. En fait, ils ont acheté 6 en Asie, de tu dire vois. Ça, j'aime pas. Ah ouais, bon d'accord, adopté si tu préfères, mais ça revient oui, même. Elle a été, elle a visité une école, elle a racheté l'école. Allez, en échange, tu me donnes un enfant. Et donc elle a ramené un enfant de chaque pays où elle a été. Bah, c'est cool pour eux en même temps. Hein. Ils ont troqué leur vie de merde contre un truc plutôt pas mal, hein, on va dire. Donc, ouais, mais t'as vu les photos de famille ? Il y a 6 gosses, il y en a pas qui se ressemblent, tu vois. Arrête. En plus, ils en ont un biologique. Ils en ont deux. Ouais, ils ont deux, hein, ils ont deux jumeaux, donc déjà tu les boucles. Bah franchement, tu sais quoi, moi ça me rend triste, je sais pas. Bah je trouve que c'était un couple idéal, quoi, tu vois. Non. Dans les people, il y en a plein qui se séparent tout le temps, et pour une fois, il y en avait un qui tenait, et ça c'est cool, tu vois. Brad Pitt, il était mieux quand il était avec Jennifer Aniston. Ah c'est vrai. Rachel de Friends. C'est de bonne guerre, parce qu'Angelina Jolie, elle a piqué la meuf. Enfin, elle a piqué le mec de Jennifer. Hein. Voilà, et bon, je dis ça, je dis rien, mais Jennifer, elle a toujours ses nénés. Oh non, ça c'est dégueulasse. Sérieusement, de l'autre côté de la radio, ça vous fait quoi, vous, de savoir que Brad Pitt et Angelina Jolie, c'est fini? Dites-moi, tiens, au 3044 pour vos petits messages. Ah, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est la fin de, tu vois, d'une génération. C'est pas possible, tout ça peut pas se passer comme ça. Dosti, je te fais des gros bisous, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio, merci, d'accord? Merci, c'est gentil, bisous à vous aussi. Bisous. Continuez comme ça, c'est super. Oh, merci Dosti, t'es un amour. Bonne soirée. Embrasse les Simpsons de notre part, bisous. Oh, salut, c'est Krusty déjà, qu'il est nul celui-là. Allez, on va sur le son de Mister Vegas et Pull Up. Ah, c'est bon ça. Et c'est parti, on va se faire un souvenir. Allez, chorégraphie. Et ouais, juste après, c'est Galantis qui débarque avec No Money sur Fun. So me circle the block in and me just happy with the girl them at me a fee. Pull up. One round a front and two in a the back and out asylum where we. Pull up. Step on this spot a beer a tune a drop and you will throw the ball out. Pull up. Take it from the top if you want hear it back and I make me hear you all about them. Pull up. So everybody shout out. Lady me just want to hear you scream out. From your nose say you want girl no down. Rather than find your feet when you walk out. Can't just hear you we a go all out. All bad my pussy you go fall out. Put my key in the one from where you crawl out. So me circle the block in and me just happy with the girl them at me a fee. Pull up. One round a front and two in a the back and out asylum where we. Pull up. Step on this spot a pair a tune a drop and you will throw the ball out. Pull up. Take it from the top if you want hear it back and I make me hear you all about. Pull up. Girls rise. And the ladies getting wild on the dance floor. All the girls having fun tonight.

vous êtes branchés sur Fun Radio, merci d'être là. On termine la soirée ensemble là, dans la Power, 17h-20h. On est en direct, hein, il est 18h15 avec le son de Justin Timberlake qui arrive. C'est Can't Stop the Feeling, il y a aussi le nouveau Mike Perry dans un instant. Tout ça, ça arrive juste après l'horoscope maintenant dans la Power. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Et juste après, on va savoir qui va repartir avec l'iPhone 7. Et ouais, le petit précieux bijou de technologie. Ah bah dis, ah bah, et pourquoi tu prends une voix comme ça de Garcimore? Je ne sais pas, je me suis emballé. Désolé, ça me... Bon, ça... on saura qui va repartir avec ce très très beau cadeau dans quelques minutes. D'abord, l'horoscope, c'est parti. On va vous dire toutes les choses en gros qui ne vous arriveront jamais. Les béliers. Votre ticket d'euro million est validé. Vous venez de gagner 325 millions d'euros. Vous allez pouvoir déménager et quitter votre taudis. Les taureaux. Vous venez d'inventer un nouveau régime à base de burgers, Nutella et gaufres. Vous venez de perdre 10 kilos. Ah, oh, ce serait le rêve, ça. Les Gémeaux. Votre femme vous fait des scènes parce qu'à la maison, vous ne buvez pas assez de bière, vous ne jouez pas assez à la console et vous ne sortez pas assez souvent avec vos potes. Cancer. Vous avez été au concert de Jennifer Lopez. Elle vous a vu. Elle a craqué. Elle quitte Calvin Harris. Vous vous mariez dans 2 semaines. Les Lions. Jackie et Michel viennent vous engager. Votre rôle, tester et choisir des actrices. Oh, cool, ça. Vierge. La banque vient de couvrir votre découvert pour s'excuser des désagréments. Elle vous offre 25 000 euros. Oh ouais, c'est très chouette, on les balance. La police vous arrête, elle vous dit papier, vous répondez ciseaux, vous riez tous les deux, vous devenez amis, pas de contravention. Ah oh ouais, tu sais que moi, c'est une vraie histoire, je l'ai fait une fois ça. Hein. Mais non. Je te jure, j'avais bu un coup de trop, c'est pas bien, hein. Toujours avec modération, mais bon, là pour le coup, le modération, j'avais oublié. Et le gars, il me demande mes papiers, je lui dis ciseaux, je fais, c'est drôle, hein. Non. J'ai passé 24 heures en cellule, c'était sans génial, blague. Vraiment, c'était top. Et lui, top. Il a fait, oui, oui, c'est drôle. Ouais, c'est ça, les scorpions. Vous, quand vous voyagez avec Ryanair, vous avez le droit à 6 valises, 2 places dans l'avion et un vrai repas chaud. Sagittaire. Un jour, vous avez dit à une fille que vous la trouviez géniale. Cette fille ne vous a pas répondu. Ah, ok, c'est hyper gênante et comme mon frère, je préfère qu'on reste amis. Les Capricornes. Quand votre ticket de parking est dépassé, le contractuel remet une pièce pour vous au lieu de vous coller une amende. Verseau. Quand vous téléphonez à Belgacom, vous n'attendez plus 2h30 qu'on vous réponde. Quand c'est vous, il décroche tout de suite. Ah ouais. Alors, même pas en rêve, ça. Hein. Alors, attention, on termine avec les Poissons. Votre femme vous quitte parce qu'elle vous a surpris qu'une fille 15 ans plus jeune qu'elle, en partant, elle décide de tout vous laisser, la maison, la voiture, l'argent, pour que vous puissiez prendre un nouveau départ et soyez heureux. Ouais, bah c'est le genre de choses qui ne vous arriveront jamais. Ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise. Bon, par contre, ce qui peut vous arriver, c'est que vous allez pouvoir peut-être partir avec l'iPhone 7. On cherche un personnage d'un film fantastique. On rappelle les indices vite fait. Alors, il est orphelin. Quand il va à l'école, il passe à travers un mur. Il a un Z tatoué sur le front. Il a un balai, mais il n'est pas balayeur. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je peux en rajouter. Hein. Vas-y. Vraiment, histoire de vous aider, parce que après ça, c'est bon, tant pis. S'il n'y a pas de bonne réponse, on laisse tomber. Son pire ennemi, c'est Voldemort. Et on peut pas, on le peut dire. Pas dire son nom. Oh. Dernier indice musical, attention. Alors, c'est qui le personnage de film qu'on cherche aujourd'hui? À vous de jouer. Vous envoyez maintenant iPhone par SMS au 6082 avec la bonne réponse. Attention, vous avez 5 minutes top chrono. Bonne chance tout le monde. Depuis le 29 août à 20h, c'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02 851 4x0. Prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son dance floor. Quand on est petit, on a de grands rêves, de grandes ambitions. On veut être pompier, médecin, savant, sauver des vies, s'attaquer à de grands défis technologiques. Eh bien moi, je l'ai réalisé ce rêve, et j'ai fixé mes priorités. Aujourd'hui, je suis ingénieur, chez IBA. Dans la vie, tout est une question de choix, de priorité. Aujourd'hui, IBA recrute 400 ingénieurs prêts à repousser les limites de l'innovation et à développer les nouvelles technologies pour le traitement du cancer. Info sur ibarecrute.be. Salut, c'est Hip et j'ai une grande nouvelle. Cette semaine, dans votre hypermarché Carrefour, offrez-vous une Opel Corsa en leasing privé pour BAM 178€ par mois, tout compris. Plus d'infos sur directlease.be. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. I have a dream that someday house music lovers and deep house lovers and EDM lovers can someday come together and unite and dance all under one sun. I have a dream. Sing out loud from the four corners of

sur Fun Radio. Si vous venez de vous brancher, il y a le son de Sheetscott qui arrive dans un instant. Avant ça, c'est parti. C'est Dua Lipa que je vous cale côté son dancefloor. Hey, je vois tous vos petits messages qui arrivent là au 6322. Eh ben, je peux dire que vous êtes nombreux aujourd'hui à vouloir essayer de repartir avec l'iPhone 7. On est à la recherche d'un personnage de film, de fiction. On rappelle une toute dernière fois les indices et puis on tire quelqu'un au sort. Fab. On m'allume mon micro déjà. Il a jamais connu ses parents. Il passe à travers un mur quand il doit aller à l'école. Il a un Z sur le front. Il a un balai en main. On entend la musique derrière moi. Voldemort lui court derrière. Il a pas de nez. J'ai dit son nom, mon Dieu. J'espère qu'Agrid va pas m'engueuler. Il pète un mieux que ça, je peux pas. Moi, bon, j'ai vu plein de mauvaises réponses qui arrivent en plus. Hein. Tout à l'heure, on nous a dit Batman. On nous a dit Spider-Man. Non, c'est ça pas Peter Pan non plus. Il y a quelqu'un qui a envoyé Peter Pan. Oh non, allez, sérieusement, ça c'est pas. Non, franchement, ça c'est du foutage de gueule, les copains. On peut pas faire plus pour vous. Attention, l'ordinateur. A tiré quelqu'un au sort, c'est Nicolas qui vient de Bruxelles. Bonjour mon Nico, comment ça va? Bonsoir, bien, bah, très bien. Ouais, qu'est-ce que tu fais de beau Nicolas? Là maintenant? Ah bah c'est ça, oui, c'est la question. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en congé, donc je profite de la calmeté. De la calmeté, non, ça ne se dit pas. Mais écoute, fais-toi plaisir, Nico. Tu sais, t'es sur Fun, t'es chez toi ici. Hein. Bon, mon Nicolas, voilà. On est à la recherche d'un personnage. On va pas te rappeler les indices. T'avais qu'à être à l'écoute. Déjà, t'es sélectionné. Oh, hein. Comment t'es sévère. On va pas tout faire non plus. Hein. Alors, mon Nico, à ton avis, quel est le personnage d'un film de fiction? Oui, bravo. Voilà. On peut l'appeler comme ça, Audrey. Tout on peut à fait. L'appeler comme c'est ça. Un film du genre. Quel est le personnage qu'on cherche, Nico? Jusqu'au dernier moment où t'as prononcé Voldemort, j'ai hésité, j'ai pensé Conchita Wurst. Ouais. Mais là, je pense que c'est Harry Potter. Harry Potter. Tu penses que c'est Harry Potter? Ouais. Si t'as la bonne réponse, je Nicolas. Je sais que Harry Potter. Nicolas, si c'est la bonne réponse, tu repars avec l'iPhone 7, tu sais? Ah oui, oui. Est-ce que t'en rêves de l'iPhone 7? Comme tout le monde. Eh ben, Nico, on va réaliser ton rêve. C'est gagné! Ouais. Nicolas, l'iPhone 7, il est pour toi. Et ouais. Grâce à Harry Potter. T'es le premier gagnant. Eh, franchement, ça le fait, hein. Félicitations, mon Nico. Tu raccroches pas. On va prendre tes coordonnées hors antenne. Et bah, comme ça, on t'envoie très vite ton iPhone 7 chez toi. Ça marche? Ça marche. Gros bisous, mon Nico. Bonne soirée à vous. Bisous, bisous pour tous les déçus. Là, je sais qu'il y en a. Rassurez-vous, les iPhones, ils tombent toute la journée sur Fun Radio. Tout à l'heure, à partir de 20h, eh bien, Dylan dans Fun Radio Connected, il en aura aussi à vous filer. Donc, restez bien branchés toute la soirée sur Fun Radio. Vous avez mis une coque de protection, moi. Une coque de protection, pourquoi? Bah, si les iPhones, ils tombent toute la journée. Ah. Attends, combien de temps je dois tenir? Encore une heure et demie, ça va aller. Allez, c'est bon, 18h32, je dois tenir jusqu'à 20h, ça devrait le faire. On va sur le son de Dua Lipa, il y aura Sheetscott, et puis juste après, il sera question de coup de pouce dans la P.O.R. Nature, les petits oiseaux, le grand air, et nous, rien que nous. Ouais. Pas une maison, pas un village à 10 km. Non, parce qu'il n'y a rien. Et pas le moindre distributeur Ford à l'horizon. Pouf, et l'horizon, c'est loin. Oh, oui, c'est loin. On s'en va? On s'en va. Eh oui, résistez à la très belle finition sportive ST-Line. Des Ford Fiesta, Focus et Monteo aux performances des du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Aux AP Assurance, nous comprenons que parfois, vous n'avez vraiment pas de bol. Oula, ça c'est le genre de route sur laquelle on espère qu'il n'arrivera rien. Eh ben, heureusement qu'il n'y a pas de loup ici, hein. Ouais, ça va, il est loin. Voilà pourquoi, en cas d'accident, vous pouvez nous joindre jour et nuit, même le week-end. Souscrivez une assurance auto des AP Assurance avant le 15 octobre et recevez 2 mois gratuits. Allez vite sur lap.be pour les conditions et infos. Les AP Assurance. Jérémy avait fait appel à l'Happy Hour. Il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro. Celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. I'm the realest it gets. He probably still adore me. With my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah, as my kiss goes down, you like some sweet alcohol.

La suite du son des Floors avec Major Lazer et Justin Bieber. Que ça se passe hier aussi, égophonique dans moins de 5 minutes. Ça arrivera juste après les potins et les popotins dans la Piawar. On s'assoit confortablement, on se relaxe et on ne pense plus à rien. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. Et c'est Fab qui tient les people à l'œil, qui sait tout avant tout le monde. Il a les infos même avant les grands spécialistes des people. Quel homme. Et c'est ouais. D'ailleurs lui tout à l'heure qui nous a appris qu'Angelina Jolie et Brad Pitt c'était fini, qu'ils se séparent. Voilà, non, c'est une histoire qui se termine. Angelina, elle était pas bien. Ah, tu m'étonnes. Oh bah la pauvre en même temps, quelle tristesse. Bon, t'as quoi d'autre au niveau people? Bah écoute, j'étais en mode recherche cet après-midi de photo coquine et moi j'aime bien Selena. Oui. J'aime bien Selena Gomez. Ah, je cherchais des photos d'elle en maillot de bain. Attends, je sais plus si elle hein, qui sortait avec Justin Bieber. Oui, qui sortait. Elle est bonne. Et au fait, je me suis rendu compte qu'elle a annulé. Elle est très bonne. Elle est très, très, très bonne. Elle a annulé toute sa tournée mondiale, au fait. Ouais. Tu vois, à cause d'un lupus. À cause de quoi ? D'un lupus. D'un lupus. Qu'est-ce que c'est lupus, ça ? Un nom savant pour une maladie auto-immune qui provoque des poussées de fièvre, des douleurs, des troubles de la vision. Enfin, ça, c'est l'excuse. Ouais, j'ai un lupus, on va annuler. Mais ce qu'il a vraiment foutu dedans, ouais, c'est le fait qu'elle digère pas bien de voir Justine et sa nouvelle copine Nicole Richie. Et elle est en mode totalement dévastée, bah, ultra attends, triste. Attends que je me souvienne vite elle fait, mais c'est genre, c'est elle qui a largué Justin Bieber. Ouais, c'est vrai. Bah, alors, c'est elle, bon, assume. Une fois lui, une fois truc, mais en assez fait, compliqué, elle, leur truc, elle supporte pas de le voir heureux. Mais en plus, je pense que c'est fini, oui, Justin en fait... Bieber et machin Richie. Non, je crois qu'ils sont toujours ensemble. C'est déjà fini. Ouais. Et on m'a rien dit. Ce matin. Moi, spécialiste des people, on me le dit pas. En même temps, c'est vrai que quand tu te sépares de quelqu'un et que tu vois après qu'il est heureux avec une autre, oh là là. Mais même s'il est pas heureux, tu le vois avec quelqu'un d'autre, ça te fait déjà chier, quoi. C'est ouais. Dans l'équipe, est-ce qu'il y a un de vos ex qui vous manque, Fab? Non. Non, globalement, il n'y a personne que tu regrettes. De mes ex, non, ouais. Je regrette de pas. La dernière, je regrette de pas lui avoir mis un coup de boule avant de partir. Mais enfin, Sandro, est-ce qu'il y a une ex qui te manque? Ouais, Fab me manque. Ouais, c'est vrai. Non, mais sérieux, allez, franchement, non, deux secondes. Personne, honnêtement. Personne. Et qui est du standard? Ouais. Ouais, mon ex me manque, hein, ouais. Mais non, arrête. Sérieux? Attends, il faut en parler, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la seule ex que j'avais, donc voilà, elle me manque quand même. C'est pas ça qui te manque, à mon avis. Attends, tu viens quand même de dire, c'était la seule ex que j'avais. Ça veut dire que quoi, t'as eu qu'une meuf dans ta life? Bah oui. Oh, c'est mignon. Oh, mais non. Attends, on a un romantique dans l'équipe et moi je suis pas au courant, il faut le dire. Moi, c'est fait friendzoner, c'est tout, c'est pas romantique du tout. Comment elle s'appelle ton ex? Elle s'appelait Amandine. Amandine. Ouais. Amandine. Oh, qui rigole mignon. Quand on l'a. Non, ça va pas. Et quoi? Et t'as jamais essayé de la récupérer? Bah, moi j'essaie de tous les côtés, j'essaie vraiment. Ouais, on essaie tous de tous les côtés, Kevin. C'est dégueulasse. Non, mais j'essaie vraiment par tous les moyens de la récupérer, mais ça n'a pas fonctionné. T'as essayé voilà. De l'argent? L'argent. Parfois ça marche. Et t'as essayé la radio ou pas? On l'appelle. Allez, vas-y, Kéké, on l'appelle. Bah, il faut quand même que je retrouve son numéro parce que ça date quand même. Bon, attends, tu chopes, regarde un peu si t'as encore le numéro. Sérieux, on pourrait l'appeler, non? Si on l'appelle. Vous êtes machiavélique. Attends, mais je dis oui. Sandro, check un peu si t'as pas des musiques, un peu de lover là dans ta machine avec tous tes sons là. C'est un peu comme un grand karaoké, hein, Fun Radio. Check un peu, on va mettre une ambiance de fou, une ambiance un peu romantique, limite un peu triste. On va appeler l'ex de Kéké. Vas-y, fais voir Sandro tes talents de karaoké en direct live sur Fun Radio, le son dance floor, motherfucker. Ouais, je viens de le retrouver. Oh, ah oui. Magnifique. Oh, regarde, tu lui dis. Attends, faut qu'on l'entraîne d'abord. Tu dis Amandine, c'est Kéké de Fun Radio. Non, ouais. Dis Kevin parce que Kéké ça va pas aller. Et Kevin, je travaille à la radio maintenant, tout ça, tu me manques. Tu es la seule femme de ma vie. Je t'aime, reviens. D'accord, ça va, on va essayer. Bon, bah, on va quand même l'entraîner avant, ça va pas l'arriver ce soir. On va appeler Amandine, l'ex de Kéké, alias Kéké du standard. Ça sera juste après le son de Major Lazer et de Justin Bieber. Si vous voulez envoyer vos encouragements ou vous foutre de sa gueule, allez-y, hein, 3044 pour vos messages. Etias, bonjour. Bonjour, dites, avec l'Etias Young Driver Bonus, mon bonus malus descend deux fois plus vite, non? Oui, c'est bien ça, si vous ne faites pas d'accident. Ah bah tu vois, papa, que j'avais raison que le bonus malus... Non, elle a pas dû comprendre la question. Mais et donc votre prime aussi descend deux fois plus vite, hein? Ah ouais, dites, ça vous dérangerait de prendre mon père au téléphone? Mais non, mais je sais très bien que ça descend deux fois plus vite. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces sur heure. Conditions sur etias.be. Good.

C'est l'Happy Hour sur Fun Radio, 17h-20h. Merci d'être là. Moi, c'est Audrey. Je vous présente mon équipe, Fab. Présent. Sandro. Hey. Le kéké du standard. Et côté son dancefloor, on va se faire égophonique avec ailleurs. Il y a aussi Mo dans quelques petites minutes, mais avant ça, si vous venez de vous brancher, on parlait des ex dans l'émission. Alors, c'est vrai que parfois, on est content de s'en être débarrassé. Sans blague. Et parfois, on regrette un petit peu. Alors, dans l'équipe, globalement, il n'y a aucun ex qui nous manque. Non, hein. En pas tout cas, moi, personne. Ça, c'est bon. Fab non plus, Sandro non plus. Non. Sauf que Kéké s'est livré à l'antenne de Fun Radio il y a quelques petites minutes. Jamais pas, moi, ça fieu. On passe toutes nos journées ensemble et tout. Et puis là, il m'annonce que son ex lui manque. Bah ouais. Amandine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais comment, pourquoi ça s'est terminé? Parce qu'elle s'appelait Amandine, ça pourrait comme moi. Maintenant, elle est partie en Erasmus et donc on a quitté. On a décidé de se quitter, quoi. On a essayé de se quitter. On a décidé de se quitter. Ah, j'ai compris, j'allais dire. On a essayé. Comment ça? Parce que se quitter, sinon, c'est pas compliqué. Bah, hein, ouais, bon, alors, le kéké du standard a fait des fouilles dans son téléphone. Ouais. Est-ce qu'on a les musiques tristes? Est-ce qu'on est au taquet là-dessus? Oh, bah oui. Non, mais vas-y. Toi, tu veux vraiment faire pleurer les gens, en fait. Bah, ouais, vas-y. Mais c'est triste ou romantique? Bah, un peu des deux, quoi. Ah, romantique, balance, oui. Romantique, vas-y. Non, ça c'est Q, ça. Ouais, pas pareil. C'est la musique de 59 degrés. Bah mais oui. Non, mais ça va, c'est bon, ça ira. Mais pour ça moi, ira c'est romantique, hein, Q. C'est parfait. On a le numéro d'Amandine, on a les chansons romantiques. On appelle Amandine maintenant. C'est parti. Ça va peut-être pas la faire rire. Et moi, je dis rien, tu l'appelles, tu te démerdes. Okay, ça va. Si ça va pas, après, je viens. Mais peut-être t'as le soutien de l'équipe et des auditeurs qui ouais, on est tous avec toi. Bah, j'espère que ça va aller. Je commence par quoi? Par le Q ou le romantique, du coup? Bah, romantique, on verra après. Ok, d'accord. Bon, déjà, faut qu'elle décroche, tu vois. Allô? Oui, allô, Amandine? Oui, c'est, oui c'est Kev, tu te souviens? Ah, ça va? Ça va et toi? Ouais, je t'entends bien. Ça fait longtemps, hein? Ok. Ah ouais, très longtemps, tu vas bien? Ouais, nickel. Tu fais quoi? Tu deviens quoi depuis ce sang? Bah rien, toujours le même. Et toi, tu fais quoi? Bah je travaille à la radio, maintenant. Ok, pourquoi tu me téléphones? Enfin, en fait, excuse-moi, mais pourquoi tu me téléphones? Enfin, je veux dire, on est. Enfin, pourquoi tu me téléphones? Bah, c'était pour un petit peu revoir avec toi, bah, si on pouvait peut-être boire un petit verre ou se faire un petit resto pour se remémorer le passé. Se remémorer quel passé, Kevin? Bah, on a quand même resté 4 ans ensemble, quoi. Waouh! Et tu travailles, pourquoi c'est fini ou pas? Bah, t'es parti à l'étranger. Ah oui, mais tu crois franchement que c'est pour ça que t'es largué ou? Bah, c'est la raison que tu m'as donnée, donc oui. Ah d'accord. Et pourquoi il y a de la musique bizarre derrière? Mais c'est parce qu'en fait, je t'appelle depuis Fun Radio, et c'est dans toute la Belgique qu'on t'entend, quoi. Ah, en fait, t'as pas du tout changé, hein. Bah, je trouvais moi, ça assez romantique, quoi. Ah ouais, déjà quand on était ensemble, je te trouvais déjà très lourd et très très pensé, mais en fait, t'as pas changé du tout, hein. Bah, ici, moi, je t'appelle, je voulais te faire une surprise, t'appeler parce que ça faisait longtemps et tout, et puis un petit peu voir avec toi, c'était possible. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça, ouais. T'es vraiment resté 4 ans avec cette bonne femme antipathique? Bah oui, mais elle était pas comme ça. Attends, Mais comment tu parles à Kevin? Deux secondes, Amandine, bonjour. Je me présente, moi c'est Audrey de Fun Radio. Je suis désolée, Kiki, c'était mon idée, mais c'était une idée. Bah ouais, change de chanson. Alors, Ali, Amandine, t'es là? Oui. Bon, Amandine, en fait, en gros, on a demandé à Kéké de t'appeler parce que il nous a dit, comme ça, en parlant avec l'équipe, que tu lui manquais un petit peu. Du coup, je pensais que c'était une bonne idée de t'appeler, mais je suis désolée, Amandine. Non, mais il y a pas de souci. C'est pas que. Mais voilà quoi. Enfin... On est désolée. Mais tu veux vraiment pas revoir Kevin? Non. Bah, pourquoi? Non, je trouve qu'il est très. Peut-être qu'il est pas comme. Enfin, en tout cas, mon couple, il est très égoïste, prêt à parler de lui. Moi, je fais ça. Allez. Moi, j'ai tout dernier Mac. Moi, j'ai comme ça. Moi, j'ai machin. Mais juste pour le cul but, il n'y a pas moyen. Non, Sandro. Bah, quoi, à un moment donné. Allez, arrêtez vos conneries. À un moment donné, la taille de son corps. Non, c'est ce que tu devrais faire. Va chez Deleuze ou Carrefour et va t'acheter 500 grammes de sympathie. Saleté. Comment elle est méchante avec Kevin? Moi, je défends mon poteau. Non. Arrête, mais dis ça va, c'est nous qui l'appelons. Déjà la pauvre, elle a rien demandé. Amandine, je suis désolée de t'avoir dérangée, d'accord? Et puis tu sais quoi, vous continuez votre conversation en antenne avec Kevin, hein, d'accord? Mais non, mais je lui souhaite plein de bonheur avec nous. Eh ben nous pas. Mais Fab, allez, arrête. Non, mais Amandine, on va raccrocher. Et bah, comme ça, si tu veux discuter avec Kevin, bah t'as son numéro, hein, comme ça c'est fait. Bah oui. Amandine, on te fait des bisous. Merci d'être passé à l'antenne de Fun Radio. Je crois que Kevin va s'en souvenir de toute seule. Ah, ça, ouais, c'est là. C'est horrible, Amandine. Salut. Et c'est à ce moment-là, tu mets ça ou pas? Non, pas vraiment. okay, comment bon. Dire. Mais Kiki, qu'est-ce que tu lui as fait à Amandine? Mais j'ai rien fait. C'est faux ce que disait avec les Mac et tout. Moi, oui, ok, j'étais à la pointe de la nouvelle technologie, mais c'est tout. Mais c'est vrai que tu te la pètes en fait. Oh là là, elle a là complètement là. Raison, Amandine. Bon, bah c'est une opération, comment dire, ratée. Raté. On va sur le son d'Egophonique sur Fun Radio. Il y aura Simo. Et puis juste après, c'est Jay-Z qui débarque sur Fun. Je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais. Hey, comment te dire? Je vais pas faire le tour de la terre, suis-moi dans mon cri. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs, ailleurs, ailleurs. Je m'envole ailleurs, ailleurs, ailleurs. Je m'envole ailleurs. Toujours plus haut dans le ciel, je flâne. Suis-moi dans mes bails si tu veux planer. Crier, oublie tes problèmes et laisse-toi aller. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sur la piste, elle est fraîche, déterre. Elle s'en fout de tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sans compas, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais. Comment te dire? Je vais pas faire le tour de la terre. Suis-moi dans mon cri. Je m'avale ailleurs. Maintenant, chez Bellisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bellisol avant le 2 octobre. Bellisol. Plus d'infos sur bellisol.be. Il est 19h sur Fun Radio. Bienvenue. Si vous venez de vous brancher, on va se faire le coup de pouce avec de l'anniversaire au programme. Il y aura aussi Mo côté son dance floor. Tout ça, ça arrive juste après les infos de Carlo. Bonsoir, Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Rififi au sein de la NVA, le parti nationaliste flamand au pouvoir au fédéral et qui aimerait bien y rester après les élections de 2019. C'est en tout cas l'intention de Bart De Wever, son président. Mais ça voudrait dire, en toute logique, que le parti renoncerait à de nouvelles exigences communautaires. Et ça, ça a du mal à passer auprès de certains. À commencer par Hendrik Vuy et Veerle Wouters, chargé au début de l'année de réfléchir à l'avenir communautaire et au confédéralisme souhaité par la NVA. On peut comprendre qu'il refuse d'admettre avoir bossé pour rien, d'où leur critique à l'égard de Bart De Wever, qui du coup estimait qu'il n'était plus les bienvenus au parti. Le problème, pour lui en tout cas, c'est que des dissidents, il y en aura sans doute d'autres. Hein. Le mouvement flamand, en tout cas, n'apprécie pas du tout ce qui se passe. Trois de ses piliers ont publié une lettre ouverte ce matin dans The Morgen pour dire que le binôme Vuy-Wouters devait rester à la NVA et poursuivre sa mission. Et pour rappeler que l'objectif à terme du parti était quand même l'indépendance de la Flandre. La surpopulation dans les prisons, on en parle depuis longtemps, mais nous avons aussi de la surpopulation dans certaines écoles, comme à l'Athénée Jean-Absil à Étourbé, comme une bruxelloise. où les profs sont en grève, étaient en grève aujourd'hui pour dénoncer le problème. Depuis la rentrée 2015, les autorités ont imposé dans cette école 2 classes supplémentaires en première secondaire pour répondre à la demande d'inscription. On a donc renforcé les moyens humains, c'est logique, mais les infrastructures, elles, n'ont pas bougé malgré les demandes de la direction. Comme quoi, on le dit souvent, hein, vu l'évolution de la démographie à Bruxelles, il va falloir construire dans un avenir proche de nouvelles écoles ou alors agrandir celles qui existent. Un problème qui, visiblement, se pose déjà. On reste dans l'agglomération bruxelloise et on prend la direction de Saint-Gilles, une commune très festive et très animée. Et c'est un petit peu plus le cas encore depuis le week-end dernier avec tous les événements organisés à l'occasion des 800 ans de Saint-Gilles, où ce ne sont pas les artistes qui manquent, le fameux parcours d'artistes chaque année le démontre à merveille. Et c'est justement l'un d'entre eux qui fait beaucoup parler de lui depuis le week-end dernier. Celui qui a peint un énorme pénis sur un mur de l'avenue du Parc, juste en face du fameux Friedkot de la Barrière et de l'Institut des Filles de Marie, vous imaginez un petit peu. Notez que cet énorme pénis est au repos, quand même. La question étant de savoir qui en est à l'origine, on a pensé à Bonhomme, un graffeur spécialisé dans les fresques monumentales en ville, mais il dit que c'est pas lui. Reste à savoir si le proprio décide de faire enlever la peinture, auquel cas l'affaire sera close. Sinon, la commune devra prendre position. Chez Kiwit, épargnez aussi des points plus de l'aise. Cette semaine, 100 points plus en plus pour chaque plein de minimum 25 litres. Ça, c'est un bel avantage. Action sous condition. C'est le son de Mo qui arrive avec Final Song juste après la météo. Carlos, c'est quoi le programme? Toujours une 20aine de degrés demain en programme avec pas mal de soleil, quelques passages nuageux également. Une journée encore assez agréable. Donc voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi et vous laisse avec Audrey et le son de Mo. Salut. Fun. Fun Radio. Déposez votre boudin de porte démodé chez un de vos dealers Hermann pendant les portes ouvertes et recevez une réduction de 400€ sur votre nouvelle porte d'entrée Hermann. Plus d'infos sur hermann.be. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. Don't let this be our final song. Oh, so La suite du son d'Explor, c'est avec Sigala, Give Me Your Love sur Fun Radio. Il y aura aussi Jay-Z, c'est bien ça. Et si vous êtes fan de Calvin Harris, je vous passe son tout nouveau son là, juste après le coup de pouce. Petit garçon, Obama rêvait de devenir président des États-Unis. Un matin, il nous a passé un coup de fil. Et voilà. Yes, we can. Le coup de pouce de la Happy Hour. Et paf, ça a fait des chocs à pic. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Bon, alors, le coup de pouce, vous savez, pour les auditeurs fidèles, vous connaissez cette séquence. En gros, le but, bah, c'est d'essayer de vous aider, peu importe le problème. Vous avez besoin d'un petit coup de main pour un boulot, trouver un amoureux, déménager, trouver un babysitter. Ou alors, par exemple, pour fêter un bon anniversaire à l'antenne de Fun Radio. Angelo, il a une petite demande particulière. Angelo qui vient de la Louvière. Salut Angelo, comment ça va? J'essaie de faire l'accent italien, mais ouais. Il fait mal. En fait, t'es pas du tout italien, Angelo, c'est ça? Non, je suis chinois. Non, du tout, non. Ah bah voilà, ça fait plaisir. Angelo, tu m'as envoyé un petit message sur ma page Facebook, Audrey, parce que tu voudrais souhaiter un bon anniversaire à qui aujourd'hui? À ma petite Fanny, qui n'est d'autre que ma sœur. Moi? Et mignon tout plein. Elle va avoir quel âge, Fanny? 4 ans. Elle va avoir 25 ans. Oula, c'est déjà une grande fille. C'est mignon tout plein. Bon, hey, c'est d'habitude, les frères et sœurs, c'est comme chien et chat. Ouais. Là, tu t'entends bien avec ta sœur, alors c'est mignon. Ouais, très très bien, oui. Bon, eh ben, tu sais quoi, tu nous as donné le numéro de Fanny. Est-ce qu'elle est déjà là ou on fait sonner? On fait sonner, c'est parti. Et puis dès qu'elle décroche, on lui souhaite un joyeux anniversaire, Angelo, d'accord? Ça marche. Ça marche, c'est parti, on fait sonner. Et on fait quoi? Faut qu'on se mette d'accord, hein. On fait une chanson ou... Mais moi j'ai appelé Patrick Sébastien, il est là, il va arriver, il va chanter avec nous. Classe, je sais pas si c'est une bonne nouvelle mais... Bon. Et Angelo, c'est toi qui commence à lui parler, hein. Oui, vas-y. On lui dit pas tout de suite qu'on a la radio. Non, surprise. Surprise. Fais des blagues. Faut qu'elle décroche aussi. T'imagines la surprise loupée, quoi. Vas-y Angelo. Allô. Allô. Bonjour ma chérie, comment va? Allô? Oui. C'est une vanne? Attendez. Allô? Allô? Non, c'est trompé numéro, mon imbécile! Attends, Angelo! À mon avis, monsieur! Bah oui, excusez-nous! Y'a pas une Fanny dans le coin? Non, du tout! Non, attendez, excusez-nous, monsieur, on s'est trompé de numéro de téléphone! Ben, c'est pas grave, vas-y, change! Y'a pas de Fanny, monsieur? C'est pas votre anniversaire, Angelo. Non, monsieur. Attends, Angelo, tu sais quoi, on est vraiment mauvais en termes de surprise ici sur En plus, je dis, on va foirer le truc et tout, mais vraiment, on l'a fait, ça c'est dingue. Angelo, c'est pas grave, tu sais quoi, on va écouter un peu de musique là sur Fun Radio, et puis on va la rappeler dans quelques minutes. Ta sœur, ne bouge pas, c'est Sigala qui arrive, il y aura Jay-Z aussi. Et puis on donne le premier indice pour ceux qui veulent repartir avec un iPhone, on cherche un personnage d'un dessin animé. C'est une meuf ultra frigide, encore plus froide qu'un frigo. Alors, à votre avis, c'est qui? iPhone par SMS au 6322 avec la bonne réponse, c'est ce qu'il faut envoyer. Bah, si vous l'avez, vous repartez avec l'iPhone 7, c'est pas compliqué. La suite du son maintenant, c'est avec Sigala sur Fun Radio, bougez pas. Selfish, but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. You give me your-

c'est ça. Ouais, bah non, je crois pas. Comment te dire que au-dessus du Nutella, c'est le soleil? Tu vois ce que je veux dire? Non, moi je dis pas ça pour ça. Quand on couche avec moi, on n'aime plus tout ce qui fait grossir. C'est horrible. Bon, le cocu ou pas cocu, c'est peut-être la première fois que vous l'entendez sur Fun Radio aujourd'hui. Le principe, il est simple. On a Fab ici présent. Fab qui oui. se fait passer pour un détective privé. Alors, si vous avez un doute sur votre copain, sur votre copine, vous nous appelez et puis nous, on leur fait croire qu'on a des infos sur n'importe quoi. Et franchement, j'adore, on est déjà, je sais pas combien là au niveau. Oh, pas mal, hein, une mais dizaine. Plutôt 2-3 couples là où ils étaient cocus hein, quand même. Donc, ouais, on en a brisé quelques-uns. C'est pas si facile que ça. Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui a un petit doute sur bah, son amoureux apparemment. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bah ça va Jonathan. Non, ça va pas trop, hein, comme tu peux le comprendre. Hein, je crois que mon copain me trompe. Donc, Bon alors Jonathan, moi je connais donc, l'histoire parce que tu m'as expliqué un peu là sur ma page Facebook Audrey. Est-ce que tu veux bien expliquer un petit peu tes doutes aux auditeurs qui écoutent l'émission s'il te plaît? Ben en fait, ça fait un mois et demi à peu près qu'il rentre tard le soir, qu'il m'explique qu'il y a des réunions, tout ça. Oh alors que là, ça pue. Normalement, il n'avait jamais eu ça. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai trouvé un numéro de téléphone dans son pantalon. Mmh. Alors, pas bon, chose ça. Que normalement tu dois pas faire, mais que j'ai fait quand même, j'ai appelé le numéro et j'arrêtais pas de tomber sur le répondeur d'un certain Marc. Et on connaît pas de Marc en commun, donc moi ça m'inquiète un peu. Enfin, tu vois quoi. Ça, mais c'est quand non. même, j'ai déjà remarqué, le seul endroit où la personne qui te trompe ne pense pas à cacher les preuves ou à dissimuler, c'est les poches des jeans. Tu parles, moi, c'est le premier truc que je fais. Enfin, que je faisais avant. Donc t'as trompé. Comment tu viens de te balancer, Fab? Ah non, mais à l'époque, oui, j'ai trompé mon ex. On a pas dit Fab. Et ça, c'est fait. Bravo. Bon, Jonathan, tu nous as donné toutes les infos sur ton amoureux. On a le numéro de téléphone. Ouais. On a quelques infos aussi sur lui. On va l'appeler. On va, en tout cas, lui faire croire qu'on a des infos compromettantes. Et on va voir si oui ou non, bah du coup t'es cocu Jonathan, d'accord? Ah ouais. Bon écoute, Jonathan. Je dois dire merci maintenant. Ou... Mais attends, on verra. Moi je croise les doigts pour que ça se passe bien. Hein. Il y a peut-être rien, il faut pas tout de suite se faire des films, donc on va se faire ça dans quelques petites minutes. Jonathan, tu restes bien avec nous. Le temps de s'écouter le son de Dero avec Bailar maintenant, il y aura aussi le nouveau Calvin Harris. Et puis on rappelle vite fait les deux indices là pour choper l'iPhone. Alors je suis une femme plus frigide qu'un frigo et mon meilleur ami a une grosse carotte plantée en plein milieu du front. Vous avez une idée, vous envoyez iPhone par SMS au 6322 avec la bonne réponse. Bonne chance tout le monde. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin espagnol Faustino Reserva 2010 ou 2011 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze, bien acheté, bien mangé. La hauteur de vos ambitions, c'est votre choix. ING fait tout pour le rendre possible. Comme pour Léa et Hugo, fans de science-fiction. Léa rêve de visiter un Space Center, Hugo voit plus loin. Il a acheté sa place à bord de la navette qui partira pour Mars en 2023. Les débuts d'une relation à distance de longue durée. L'ING Lion Account gratuit est le compte à vue qui vous permet de gérer votre argent où que vous soyez, même sur Mars. Demandez-le maintenant. Infos et conditions sur ing.be. Inédit du lundi au vendredi à 20h35 sur Plug RTL, touche pas à mon poste. Bienvenue dans Touche pas à mon poste. Avec Cyril Hanouna aux commandes, plus en forme que jamais. Comment ça tombe bien? Attention, je m'attends un tigre. Oh là là, boulou, va. Ouais. Chronique, jeux, défis et délire en tout genre. Et quoi d'autre? Vous le saurez en regardant Touche pas à mon poste du lundi au vendredi à 20h35. Plug RTL. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. Hey, yeah, yeah. Why you keeping me on hold? Don't wanna leave.

one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Calvin Harris sur Fun Radio, My Way. On enchaîne avec Leslie Kuma, c'est le dernier son de Zao avec MHD. Il y aura aussi Félix Jane dans quelques petites minutes. Et je vois tous vos petits messages qui arrivent au 6322 pour essayer de choper l'iPhone 7. Tu m'étonnes, il a plein de trucs l'iPhone 7, c'est un petit bijou de technologie. Notre spécialiste iPhone va vous le prouver, hein. Il y a quoi dans l'iPhone 7? Il est waterproof, donc tu peux même être dans l'eau avec. Ah super. Faire des photos sous l'eau et pendant dans la douche aussi. Il est waterproof, quoi? Dans la douche aussi ou pas? Bah ouais, si tu veux. Oh cool. Mais bon, à mon avis, je pense que les photos sera pas top avec toi dans Je t'inquiète. Ouais, bien se calmer ici. Il a quoi d'autre l'iPhone? Bah donc il a un meilleur appareil photo, donc pour voir Sandro un peu mieux dans la douche aussi. Ouais. Et un nouveau processeur qui est 10 fois plus rapide que l'ancien. Et donc franchement, c'est une tuerie ce nouvel iPhone. Bon, alors si vous voulez repartir avec l'iPhone 7, on rappelle les indices. On cherche un personnage d'un dessin animé. Une meuf ultra frigide, pire qu'un frigo. Son meilleur pote, il a une grosse carotte plantée en plein milieu du front. On n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus. C'est tout. On a qui est là pour essayer de repartir. Bon, on va faire sonner, c'est parti. Ouais, c'est mieux. Quelqu'un qui a envoyé iPhone par SMS au 6322 qui a peut-être du coup la bonne réponse si ça décroche. S'il arrive à nous retrouver le personnage de dessin animé qu'on cherche. Eh bien, l'iPhone 7 sera pour lui. Le suspense est entier. Arrête. Il est à son compte. Espèce de ringard. Dans quelques instants. Et toi? C'est la troisième sonnerie. Vous mettez la pression. Nous allons savoir qui va repartir avec l'iPhone 7. Pas mieux. Désolée, mais la personne que vous avez appelée n'est pas disponible. Okay. Non, raccroche. C'est une vanne. C'est-à-dire que là, 19h34, j'appelle l'auditeur qui s'inscrit, qui avait peut-être la bonne réponse, et il décroche pas. C'est un scandale. Il ne décroche pas, c'est un scandale. Bon, bah du coup, vous avez encore toutes vos chances de pouvoir repartir avec, peut-être la dernière, hein, parce qu'on rappellera dans quelques minutes quelqu'un qui aura la chance de gagner l'iPhone 7. On cherche un personnage de dessin animé, une fille qui est en colère, elle lance de la neige, elle a un copain qui a une carotte en plein milieu du front, si vous avez une idée. C'est à vous de jouer iPhone par SMS au 6322. C'est ce qu'il faut envoyer avec la bonne réponse. On va essayer de rappeler aussi Angelo. Angelo qui voulait souhaiter un bon anniversaire à sa sœur, sauf que le problème, c'est qu'on s'est trompé de numéro. On est vraiment super mauvais. Pour la suite de l'émission, il y aura la suite du cocu ou pas cocu. C'est ce qui arrive d'ailleurs, juste après le son de Zao et MHD, maintenant sur Fun Radio. Welcome tout le monde. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne. Laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi faire? L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler, demain on aura zappé, laissez-les gourmands, laissez-les gourmands, laissez-les gourmands, laissez-les gourmands, laissez-les gourmands, laissez-les gourmands, laissez-les gourmands, laissez-les gourmands, laissez-les gourmands. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde. je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Avec l'excellent Félix Jane qui arrive, c'est Bonfire sur Fun Radio. Et puis là, bah, hey, c'est l'heure. On va appeler l'amoureux de Jonathan, on va voir si oui ou non il est cocu. C'est parti. On va te dire si tu veux l'épouser ou si tu dois t'en débarrasser. C'est le cocu, pas cocu, sur Fun Radio. Et si vous venez de débarquer sur Fun Radio, en gros, le principe il est simple. On teste la fidélité des hommes et des femmes. Et on voit si oui ou non vous êtes cocu. Si vous avez un doute sur la personne qui partage votre vie, n'hésitez pas. Vous venez nous envoyer un petit message sur ma page Audrey sur Facebook ou via les SMS, hein, 3044, ça fonctionne aussi. Hein. Et puis on brise votre couple, voilà. Non, voilà. Mais au moins, vous connaissez la vérité. Et ça, c'est bien. Alors, on a eu Jonathan il y a quelques minutes à l'antenne parce que Jonathan, il a trouvé un numéro de téléphone dans la poche du jeans de son mec. Copain. Bah ouais, et du coup, il a appelé. Il a entendu que c'était un Marc sur le répondeur, sauf qu'ils connaissent pas de Marc en commun, donc il a c'est l'impression qu'il est cocu. Bah c'est peut-être ça, mais c'est peut-être pas ça non plus. Donc ouais. on sait pas. On va appeler maintenant son amoureux. Comment il s'appelle? Il nous l'a dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. Il s'appelle Vincent. Vincent, c'est parti. On fait sonner. Fab, tu te fais passer pour un détective privé. Ça marche. T'inventes ce que tu veux, tu te débrouilles, mais on veut la vérité. À toi de jouer. Ok. Allô. Allô, Vincent. Oui. Oui, bonjour. Je suis détective privé, j'ai été engagé par Jonathan, ton copain, pour enquêter sur toi. C'est une blague ? Non, du tout. Mais personnellement, franchement, là, j'ai déjà pas le temps parce que je travaille, donc détective privé ou pas détective privé, bah écoute, je te rappelle plus tard, quoi. Non, parce que tu vas prendre le temps, moi j'ai du dossier sur toi, je sais que tu vois en cachette un certain Marc, j'ai son numéro de téléphone. De quoi tu parles, là ? Marc, ça te dit quelque chose, Marc ? Mais attends, je rêve, quoi. T'es en train de me téléphoner que t'as un détective privé, j'ai aucune coordonnée sur toi, et moi je dois te donner des informations sur les gens que... Non. Pas censé savoir. Non, alors je vais t'expliquer, j'ai pas besoin d'informations, moi j'ai des informations. Je sais que tu vois un certain Marc que ton petit ami ne connaît pas, je sais que tu le vois en dehors de ton boulot, que tu rentres de plus en plus tard le soir, et donc j'ai monté tout un dossier, j'ai des SMS, j'ai tout ce qu'il faut. Alors soit je balance ça à ton copain et tu te démerdes avec lui, soit toi et moi on s'arrange et je balance rien du tout. Qu'est-ce que tu choisis? Mais attends, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Donc on est en train de me faire croire que je suis en train de tromper mon mec, quoi. Exactement, avec Marc. Avec un certain Marc. Ça te dit quelque chose quand même, Marc? Comment, ouais. Voilà. Alors je vais te donner un autre conseil pour la prochaine fois que tu voudras tromper ton mec. Ne laisse pas traîner les papiers dans les poches de ton jeans. Parce que quand on fait la lessive, on retombe sur le numéro de téléphone. Non, alors c'est qui ce Marc? Mais Marc, attends. Mais putain, mais Marc, c'est mon employeur, en fait. Tu te tapes ton employeur? Mais ça va pas la tête, mon Marc est hétéro. Et alors? Promotion canapé, ça existe, non? Quand même pas, je suis pas à ce point-là. Ah là, t'es en train de me mettre en pression, là, je suis en train de m'énerver. Oh putain. Bon, bah écoute, qu'est-ce que je fais avec ce Marc? Ben, tout bêtement, c'est que Marc, c'est mon employeur, quoi. D'accord. Je suis son employé. Et comment se fait que ton petit copain n'est pas au courant? Parce que soit. J'ai tout dire non plus, tu vois. Soit tu m'expliques à moi. C'est un petit jardin secret. Alors écoute, je t'explique. Soit tu m'expliques à moi. Soit tu expliques à ton copain, tu choisis. Jardin secret ou pas jardinier. Moi je suis détective privé, je suis pas jardinier, mec. Hein. Donc j'ai pas que ça à faire, tu m'expliques. Mais écoute, je vais t'expliquer. En fait, c'est bientôt l'anniversaire de mon mec, tu vois. Et ben voilà, j'aimerais bien lui faire une grosse big surprise. Je voulais lui payer un méchant voyage, mais comme il est toujours à fond sur les comptes, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais trouver un petit job sur le côté pour pouvoir lui payer son voyage, quoi, tu vois. Ah. D'où le numéro de Marc. Oui, alors ça se tient. Effectivement, ça se tient. Ben oui, clairement. Au fait, le soir, ben moi je travaille la journée. Le soir après. On va accueillir quelqu'un qui va peut-être partir avec son iPhone 7 s'il arrive à me donner la bonne réponse. C'est Pierre qui vient de Dour. Bonjour Pierre. Bonjour. Moi, quelle jolie voix. Ça va bien Pierre? Ça va très bien. Bon, Pierre, ça ira peut-être encore mieux dans quelques minutes si t'arrives à me dire quel est le personnage de dessin animé qu'on cherche à ton avis. C'est qui? C'est la Reine des Neiges. La Reine des Neiges? Pierre, t'es gagné! Ouais, ouais. L'iPhone 7, il est pour toi, mon Pierre. Merci, putain, merci, Fab. Bah de rien. Pierre, tu raccroches pas. On prend toutes tes coordonnées, on t'envoie très vite ton iPhone 7 chez toi. Félicitations, Pierre. Pour tous les déçus, rassurez-vous, il y a encore des iPhones à choper chez Dylan. Il y a encore des iPhone 4S tout à l'heure chez Non, sérieux, comment on fait pour choper le nouvel iPhone? Eh ben, il va y avoir une question à 20h. Ah. Ouais, une question qui sera posée par Siri, par l'iPhone lui-même. Ah ouais, parce que monsieur a des relations, ah tu vois ce que je veux dire. Madame, j'ai le bras long, moi. J'ai le bras long. Eh ben, si vous voulez essayer. Bah, il y a bien que ça. Non, je rigole. C'est pas bien ça, ça s'est fait. Si vous voulez essayer de choper l'iPhone 7 chez Dylan, bah, un petit conseil, restez bien branchés à partir de 20h. Il en a plein, le gars. Ouais. Franchement, il les a cachés, il a du stock, donc restez bien là. On m'appelle Monsieur Cupertino, moi. On m'appelle comme ça. On m'appelle Monsieur Cook. Ah, arrête, franchement, Dylan, tu te fais du mal là, vraiment. Allez, pour aller jusqu'à 20h, il y a le son de Kane Jones qui débarque et nous on vous dit à demain. À demain, à demain, bisous. Bisous les copains, oui. Ciao ciao. She said, pardon my French. I said, but do my da-da. They shot the way I go, go. You know I love them all, all. Depuis le 29 août à 20h, c'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule. Vous venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02 851 4x0. Prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son Dance Floor. Elle vous fait des nœuds dans l'estomac, vous rend les mains moites, vous fait bafouiller. Elle est la peur d'un entretien professionnel dans une langue qui n'est pas la vôtre. Goedemorgen, ga maar zitten. Mazitten. Zo, wat is uw naam? Het is uw naam. Ik weet niet. Begrijp je wat ik zeg? Ja, ja. Dank u. Ne laissez plus la peur de parler une autre langue vous empêcher de dormir. Le CLL présente les premiers cours de langue avec la garantie de passer à un niveau supérieur. Découvrez vite les cours progressifs du CLL sur cll.be ou appelez-nous au 0800 21 332. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin espagnol Faustino Reserva 2010 ou 2011 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Au cinéma, il y a ceux qui aiment les films d'action, avec des méchants à moitié morts. Ceux qui aiment les comédies romantiques, pour rire la moitié du temps et pleurer l'autre moitié. Ou encore, ceux qui aiment un bon policier, avec le héros qui poursuit la moitié de la ville. Parce que vous aimez le cinéma, et pas qu'à moitié, faites le plein de films au BNP Paribas Fortis Film Days. Du dimanche 25 au mercredi 28 septembre inclus, 4 jours full cinéma et chaque ticket à moitié prix. À ce tarif-là, tout le monde y va. Découvrez les cours progressifs du CLL avec les nouveaux tarifs dégressifs, tout inclus. Avec le CLL, plus vous progressez, moins vous payez. Appelez-nous au 0800 21 332. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son Dance Floor. Step off the train at dawn, back in the place where I was born. And it's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong. I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all.